Ses idéaux qui se lèvent et retournent à la tombe. Ce ciel qui t'admire parce qu'il a peur de ce monde. Ces ombres qui te protègent ici-bas sur cette terre, qui te tire au loin de la lumière pour te mettre en poussière. Entends-tu au loin le chant des fées qui te mène à la lumière dans un futur passé? Que la lutte soit belle, même si l'on est condamné. Que nos idéaux soient nos rêves pour tous ces enfants de l'éternité. Dieu murmure ton prénom à chacune de tes émotions. Notre ère n'est pas nouvelle, elle conjugue le présent au passé. Nous serons les chemins qui nous mènent vers l'éternité. Du pardon de ton âme, de toutes ces âmes écorchées, vers la source première qui transforme l'air en matière. Nous sommes des voyageurs aux confins des univers. Parce que l'univers prime avec palpitation notre envie de vivre et nos émotions.